Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On vous communique des faits divers dans la chronique C'est un fait. Sonia Demel vient nous parler du club de communication orale. Et c'est à assemblage requis dès maintenant. Bonjour et bienvenue à une autre édition d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce mercredi 29 septembre 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle François-Olivier. Salut FO. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Beau petit matin beau qui se lève. Beau petit matin. Où est-ce qu'il fait chaud? Il fait quand même 17 dehors. Oui, crime, on se demandait hier si on repartait l'air climatisé. Hein? What? On l'a pas fait, par exemple. Non, c'est ça. Il faisait chaud le matin. Non, c'est vrai. Aujourd'hui à l'émission, François, qu'est-ce qu'on a de bon? On reçoit Sonia Demel, qui vient de parler du club de communication orale, ici à Trois-Rivières. Mm-hmm. Beaucoup de questions pour elle, en fait. Restez à l'écoute, c'est aux alentours de 8 heures. Elle va nous apprendre des choses, peut-être, sur comment faire l'émission de radio comme faut. Hein? Peut-être, oui, peut-être. Peut-être qu'elle va te remplacer et demain matin, tu ne seras qu'un rêve, Mathieu. On ne peut que le souhaiter. Ah oh oui, effectivement. On ne peut que le souhaiter. Ouais, on a aussi une collègue, c'est un fait. Évidemment, je vais vous apprendre des choses à partager comme ça, peut-être devant une classe. Peut-être pour faire des nouveaux amis dans vos cours. Je sais pas, moi. Ça peut servir. Peut-être. Ça peut aussi ne pas servir du tout. Peut-être aussi. Ça dépend des faits. Tout ça et plein d'autres choses. On va d'ailleurs avoir un beau petit bloc il était deux fois tout à l'heure. On va faire ça pour votre propre plaisir auditif. Moi, Mathieu, là, depuis le temps que tu me demandes, oui, maintenant, aujourd'hui, c'est officiel. Je vais t'en parler. La course à talons hauts. Non. Oui. Mon sport préféré. Ton sport préféré que tu pratiques dans le salon et que tes voisins en bas se plaignent. Ouais. Donc, tantôt, course à talons hauts. Oui, il y a un record qui a été battu. Oh, ouais, quand même. Mais pour l'instant, on écoute La Question avec et moi. Sur C'est fou. 89.1 FM. 80 quoi? 89.1 FM. 80 quoi? 89.1 FM. C'est bon, ça? 89.1. J'ai claqué la porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Il est trop tard quand je te croise ton regard prend froid. Drain sur le bord de boucher. C'est Party avec la pièce Laura Palmer's Prom. C'est fou, assemblage rocké. Est-ce que tu m'imites tout le temps? Oui, je t'imite. Il fait les mouvements de bouche. Comme si c'est moi qui parlais, mais non, c'est Mathieu Plante. He's bouging his bouche. Hey Mathieu. Oui, quoi? Je t'annonce officiellement que c'est José Bourassa qui va animer le 52e Noël du pauvre. Josie B. L'animatrice... Connu au niveau de Radio-Canada. C'est ça, animera le 52e Téléthon du Noël du Pauvre qui sera présenté le 3 décembre prochain en direct à la salle J. Antonio Thompson. Mm-hmm. Donc, une bonne nouvelle, celle qui remplace Nancy Sabourin. Okay. Elle va faire de l'excellent travail, j'en suis convaincu. Et ça me semble être une dame tout à fait sympathique. Cette José Bourassa, je sais pas pour toi là, mais je trouve qu'elle est là sans prétention. Ouais, et, c'est vrai, elle a une présence, je trouve, une bonne présence. Toujours le sourire, donc ça va être. C'est le vendredi 3 décembre. Exactement. En direct à la télé. Oui. Le Noël du pauvre. Exactement. Et ça faisait 12 ans qu'Anne Sabourin était là. Ok. Donc. Je sais pas pour combien de temps José Bourassa le sera, mais ce sera une surprise. D'accord. Tu nous parleras de talons hauts tantôt. Tu veux que tu en parles tout de suite? Tu peux m'en parler tout de suite si tu veux. Ouais? J'apprécierais parce que moi, tu sais, les talons hauts, ça me passionne. Hein? Ça te passionne et tu ne peux attendre, mon ami. Ça, et le maquillage, le shopping. Hein? Le maquillage. Et ton petit chien, Saucisse, qu'on aimerait saluer. Qui c'est s'appelle? Ça. Il s'appelle Saucisse, en fait. Saucisse? T'es-tu sérieux? Tu l'appelles Saucisse? Pas tout, c'est pas vrai. T'inventes des affaires. T'aimes pas ça, les petits chiens Saucisse? Bah, pas particulièrement. Non, je suis pas sûr. Moi non plus, on dirait que tant qu'à ça, achetez-vous un chat. Mais en tout cas, c'est mon opinion. c'est une opinion assez tranchée. Hein? C'est... Ouais, non, c'est ça exactement. Tu te caches pas. Ben, tu sais, en fait, je sais même pas pourquoi on appelle ça un chien, mais en tout cas. Et désolé pour ceux qui affectionnent particulièrement cette race. Oui, c'est ça, en fait, je te parle de la course de talons hauts. Il y a 4 Australiennes qui ont battu un record de haute tenue. C'est ça. En fait, ils ont réalisé le meilleur temps mondial de relais en talons hauts. Du relais en talons hauts, OK. Oui. Il se passe pas des souliers l'une à l'autre. Là. Non, ça se passait en Australie, à côté, près de l'Opéra de Sydney. Et en combien de temps ils l'ont fait, tu penses? Une course de 100 mètres. Une course de 100 mètres en talons. Et c'est des talons de 7,5 cm. 7,5 cm. 7,7 cm, c'est quand même... Ben, je sais pas, là, je suis pas un spécialiste des talons hauts, mais j'imagine que c'est quand même assez élevé, là. Ça va être difficile, hein? Ouais. Je sais pas, je veux même pas guesser, j'ai aucune idée. Aucune idée. À peu près. Dieu un tel, 100 mètres, c'est combien? 2 minutes. 1 minute 4 secondes. Ah, ben, Caroline, non, ouais. Ouais. Le livre des records Guinness a confirmé qu'elle avait bel et bien battu le record de l'épreuve. Elles ont décidé d'utiliser leur prix de 10 000 $ pour se payer un voyage en Thaïlande. Donc, tant mieux pour eux autres. Mm. C'est beau avoir de l'argent. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, il y avait à peu près une centaine de femmes et il y a eu un homme qui ont participé à la course. OK. Qui se déroulait, comme je l'ai dit précédemment, en Australie. Est-ce qu'il a fini, est-ce que tu sais s'il a fini dans le top quelque chose? Non, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Ah. Par contre, ça a permis, le but de cette course était de récolter des fonds pour, au niveau de la fondation du cancer du sein. Donc, c'est pour une bonne cause. Oui, tout à fait. Bon, ben maintenant, François. Maintenant, Mathieu. Après avoir parlé de talons hauts. Après avoir parlé de talons hauts, Mathieu. Est-ce que tu sais combien, en général, les femmes portent de talons hauts en même temps, dans une même journée, mettons? Hein? C'est quoi? Répète donc ça. Suis ce que... Suis, tu sais ce... vers quoi on s'en va? Combien qui ont de souliers à talons hauts en même temps, dans leurs pieds? Attends un petit peu. Et pas facile. Deux? Ben oui, deux. Oui? C'est deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Deux souliers à talons hauts, deux chansons dans un même bloc, notre bloc des plus originaux et révolutionnaires. François-Olivier, tu l'aimes, tu l'adores. Je l'aime, je l'adore. C'est comme toi, Mathieu. Ah, merci. C'est le bloc Il était deux fois, donc on choisit... Là, je vais vous expliquer parce que j'avoue, c'est compliqué. C'est on choisit un groupe. OK. Ça va jusque-là? Tu me suis? Oui. On joue deux pièces. Deux quoi? Deux chansons. Deux chansons. Deux tunes. Deux tunes. Du même J'aime artiste. J'aime ça, des tunes. Ouais, moi aussi. Hey, on s'en va écouter la tune. Ouais, c'est ça, ça fait très professionnel. On s'en va écouter une tune de créature. Créature? Des créatures, moi j'aime ça. Des créatures de ma machine. De machine? J'entends ça dans ma radio ou dans ma machine. Très, très bon groupe qui font d'ailleurs de très bons spectacles. Ouais. Ils se donnent et puis non, c'est vraiment plaisant. Si vous avez la chance là, d'aller les voir, Creature, en spectacle, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, Creature, c'est noté. Creature. On va aller entendre deux pièces. Tout à l'heure, il va y avoir Bridget Bardot. Bridget Bardot. Bridget Bardot. Mais on commence avec Who's Hot? Who's not? 89 FM, c'est fou. 7h29, assemblage requis. Présentation. Hey, on dirait que tu m'imitais, là. Ouais, j'allais le faire. Ouais, hein? Ouais. Eh boy. On va chicaner, là. Présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Once upon a time, in the early days of rhyme, rap was just an oddity, not today's commodity. A pure form of self-expression, not violence and wealth obsession. So please let us take this test to change your mind and make you dance. About was positivity, despite the fact that they were living in a greater poverty. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Creature avec la pièce. Ça va, François? Tabarouette. Oui. Merci. La pièce Bridget Bardell, précédée de Who's Hot, Who's Not, à Assemblage Rocky dans who's le bloc. Who's Hot, Who's Not. Bloc, il était deux fois. Excellent, excellent petit bloc de Creature avec leur album No Sleep At All. Là, je suis allé sur leur site creatureband.fr puis sur leur MySpace. Je pense pas grand chose. Non. Je te dirais que tu voulais qu'on aille voir en spectacle. Hein, non, non, mais s'ils viennent dans votre coin ou s'ils viennent à Trois-Rivières, ça vaut la peine. Mais... Cherchez-les, chassez-les telle une créature sauvage. C'est un. Qui s'appelle Creature. Il est 7h38, vous êtes toujours à Assemblage Rocky. C'est vrai. Tout à l'heure, on va parler de communication orale. Oui, avec Madame Desmeul, qui va venir nous parler du club de communication orale qui se trouve ici à Trois-Rivières. Je sais pas si elle va critiquer mes jeux de mots. Poche. Je te souhaite. Tu veux que ça change? J'aimerais ça que ça change, que t'arrêtes, Mathieu. Arrête, s'il vous plaît. D'accord. Mais non, c'est pas vrai. C'était pour vrai. Mais c'est peut-être une qualité ou un... Non, c'est une qualité. En fait, ça, okay. Je vois pas comment ça peut être un défaut. Mais t'es très rapide. T'es très rapide au niveau mentalement pour faire des jeux de mots. Ah, moi, sincèrement, Mathieu. D'accord. J'ai les réflexes de fer, de métal, d'acier. Ouais. Non, mais sérieusement, sans nécessairement avoir des réflexes d'acier, comme tu dis, excusez-moi, monsieur Musk, mais t'es très rapide au niveau intellectuellement. Bon, ben, c'est mais super. Si je te lance, par exemple, une balle, il est pas sûr que tu vas en poigner. Fais attention, ça me fait mal. Va te poursuivre, c'est fou. Va te poursuivre. On va entendre un petit bloc à saveur, je dirais. Je vais goûter un petit peu. Good country, un petit peu. Surette Country. On va entendre du Kaloon Saloon tantôt, qui fait son retour au palmarès avec la pièce « Laisse-moi donc rentrer » de leur nouvel album « Buckshot ». On commence avec le nouvel album des frères Goyette qui s'appelle « Rencontre du troisième âge ». Et tout de suite, voici un autre nouvel extrait francophone. « La balle est dans mon camp ». Ok. Ah oh, parlant de balle. Et la balle est... Chouing. Jeu de mots, la balle est dans ton camp. La balle est dans mon camp. Quand ça? Quand tu fais des jeux de mots. Ah. Non, on a trop cherché, ça. Laissons parler la musique. Ferme-la. Agonne sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remède, mon maigre butin. Une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Rudolf à la coop, le voleur a pris la porte. Je fixe mon tiroir caisse. Je fuis dans la mire, j'ai pensé près de venir. La une dans la gazette. Je pars vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi qui mène une vie avec des balles à blanc. J'ai eu un bon coup de semence, puis la balle est dans mon camp. Un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie. J'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand temps que je rentre dans le tour. Grand temps que ça fait, puis la balle est dans mon corps. jusqu'à 9h. Vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter, enfin trouver le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! Laisse-moi rentrer, maintenant que je suis là, tu m'as pas vu la face depuis des mois. Hey, hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! T'es parti, tu m'as laissé le ménage et pis les petits en me disant que je l'avais mérité. Oui, non, bébé! Oh, laisse-moi rentrer, j'ai deux mots à dire. Pis dis à ton chum que pas fini de m'haïr. Hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! T'auras-tu peur de me laisser rentrer? T'as-tu la chienne voir arriver? Serais-tu en train? Un peu sous, puis je vais te faire filer doux. Je vais m'étendre mon long sur ton balcon en attendant que tu pètes les plombs. Ouais, je te jure que je suis pas pressé. Ouais, non, bébé. Laisse-moi rentrer, puis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Hey, laisse-moi donc rentrer. Ouais, non, bébé. J'étais pas capable de rester mou. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter, enfin trouver le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu, laisse-moi donc rentrer. Oui, donc bébé. Laisse-moi rentrer, puis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, donc bébé. Ah ouais, donc bébé, laisse-moi donc rentrer. Le goût de country dans ma bouche, là. C'est bon. Moi, je vois ça, ce que tu dis. Oui, t'es un visionnaire, t'es un vrai... t'es rempli de vision, d'où ton adresse courriel. Oui, merci Mathieu. On dira pas au complet, mais il y a vision non, dedans. Non, non, non. C'est pour ça, c'est parce que t'es un grand visionnaire, un révolutionnaire, si on veut. Merci Mathieu. Une vraie Marie Curie. Marie Curie, j'adore. On vient d'entendre Calhoun Saloon avec la pièce Laisse-moi donc rentrer. C'est leur nouvel album Barkshot qu'on vient toujours de recevoir et c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est flambant chaud ça là. Ça vient d'arriver là. Oui, et tout droit sorti des portes battantes. Les portes battantes alias Fourneau. Ah ouais, ben Fourneau à portes battantes, je sais pas s'ils ont ça dans le, ça existe, dans le Far West. Là. Dans le Far West, exactement. Bien sûr. Mathieu, on communique. Tel. On communique. Tel les vases communicants. Oui. Tels deux frères jumeaux qui font de la télépathie à l'autre bout du pays. C'est ça. OK. Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. 7h49, vous êtes toujours Assemblage requis. Je vous rappelle, Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants ici même à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mathieu, j'ai une chanson pour toi. OK. Tu me la dédies? Je te la dédie. Ou comme les rappeurs diraient, tu me la dédicaces? Comme si tu m'assignes en face? Oui, c'est ça. T'as tout à fait raison. Non, mais écoute, bon groupe, très bonne pièce. Par exemple, je vous avertis, quand il se met à chanter, moi, c'est là que j'accroche moins un peu. OK. Mais sinon, avant ça, là, on dirait que c'est très, très bon. Le groupe s'appelle Power Up First. Ils sont reconnus comme étant un groupe plus musical. Ils font de la musique style chanson de cinématographie. C'est ça, exactement. Quand il se met à chanter, c'est un espèce de rappeur... Mexicain, mettons. Ah, c'est dur à dire. Oh, mais... El Paso. Oh, El Paso. Ça ressemble à ça. Ah, oui. Mais parlons de ça. Oui, tantôt. Oui. Oui. On l'a le passo. Très bon point. Retenez le mot et vous verrez l'association tantôt. Exactement. La saucisse. Vous verrez la sauce. On va vous balancer la sauce. On va balancer la sauce El Paso tantôt. Donc, revenons à nos moutons. Hein, parce oui. que Power Up First, c'est des moutons. Donc non, mais très bonne pièce. La pièce s'appelle Territorio. Mais c'est ça, je vous avertis, 15 mains à chanter, ça se peut que vous aimez moins. C'est normal. Et ça va vous mettre dans l'ambiance pour Old El Paso après. Non. Oui. Pas oui, oui. Oui. Écoutez ça, levez le son, ça vaut la peine. Instrumental, magnifique, 15 mains à chanter, un peu moins. Levez le son de votre TV. De votre TV? Flower Up First. Il chantait pas si longtemps que ça, non? Il chantait pas si longtemps que ça. On dirait que dans ma mémoire, c'était pire que ça. Mais la première fois que je l'avais entendu, ça m'avait tellement déçu. Power Up First. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième tout à l'heure. On va parler entre autres de communication orale. Mais c'est pas... Club de communication orale. Que de ça. Avec Madame Demeul, Sonia de son prénom. Donc, ça va être au retour de la pause. Oui, mais pour l'instant, on va entendre l'Info Campus et puis on revient juste après à Assemblage Requis. Restez avec nous. Bon, attends, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et vous tous, à la maison, innombrables fans, vous êtes Barbic les requins. Requins, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Les requins ou encore, des fois, on les appelle les Francis Martin. Ça, Francis Martin. Ça n'a pas vraiment de lien. Kiwan qui avait parti ça? Oui. Oui. On s'ennuie, Kiwan. On s'ennuie beaucoup de Kiwan. Kiwan était du côté Francis Martin, j'étais du côté requin. Oui, oui. Puis vu qu'il est parti, j'ai dit, ben, c'est moi qui décide. T'es plus là, fait que t'as plus un mot à dire. Mais tu vois, on le mentionne encore, les Francis oui. Martin. Oui. Mais parce qu'on l'aime, Kiwan. Ben, c'est ça. Puis il y a une opinion qui est importante pour nous. Une opinion qui compte. Et quand il nous appelle, son appel est important pour nous. Comme. Ouais. Comme donc. Les... Oui. Hey, communication. Parlons de communication. Nous parlons de communication présentement avec Madame Sonia Demeul, qui s'occupe du club de communication orale. Est-ce exact, Madame? Oui, bon matin à tous les deux. Bon matin. Bonjour, bon matin. À tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est un club, c'est un jeune club en fait, de communication orale. Et ça c'est à Trois-Rivières. OK. Oui. Puis, voulez-vous que je vous explique tout de suite quelle façon? Oui, certainement. En fait, c'est ça. En quoi consiste un club de communication orale? Pour exemple, une personne qui ne sait pas, là. Mettons, exemple, Mathieu Plante. Oui, moi, je ne sais pas ça. OK, Mathieu Plante. Alors, Mathieu Plante, vous arrivez, c'est les soirs, c'est une fois semaine, les jeudis soirs. OK. Alors, vous arrivez chez nous, chez vous, et c'est nous sommes 15 personnes environ par soirée, parfois 20, parfois 25. Et finalement, ce que vous allez voir dans les soirées, c'est 2 heures, c'est une durée de 2 heures, puis ce que vous allez voir... En fait, la première partie, tour à tour, des gens vont jouer des rôles. Okay. Et je dis jouer parce que l'ambiance est vraiment au jeu. Parce qu'on veut pas... Étant donné que les gens se mettent... Finalement, ils se mettent en scène, ils prennent la parole devant le groupe dans différents rôles. On dit toujours jouer un rôle parce qu'on veut dédramatiser un petit peu pour ceux qui ont un petit peu le trac de parler devant l'auditoire. Mais je m'excuse de vous interrompre. En fait, mais jouer un rôle... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, exemple, quelqu'un joue un policier, non? Ben oui, oui? Ça peut être ça. Okay. C'est un peu comme de l'impro, finalement. Il y a une partie improvisation. Oui, tout à fait. Nous avons un rôle qui s'appelle le maître des improvisations ou la maître des improvisations. Et cette personne-là, cette personne-là, finalement, va trouver des mises en situation avant la rencontre. Puis elle va choisir 2-3 personnes dans l'auditoire pour faire une improvisation. Mais ça, c'est une petite partie de la soirée. Ça a la durée d'environ 15 minutes. OK. Fait que ça, c'est un des rôles. Il y a un rôle de maître des impros et il y a des rôles aussi d'improvisateur, improvisatrice. Et les autres rôles, c'est vraiment bien organisé, c'est vraiment bien structuré la soirée parce que il y a un rôle d'animatrice, d'animateur, parce que c'est bien sûr qu'il faut, il faut une personne qui prennent en charge la soirée, qui fassent les liens entre les différents rôles. Et ça, c'est différent à chaque semaine? c'est différent à chaque semaine. Oui, c'est ça okay. la beauté de Toastmasters et de notre groupe, parce que finalement, à chaque semaine, c'est un animateur, une animatrice différente qui joue ce rôle-là, puis elle l'anime finalement à sa couleur, à elle. OK. Qui est choisi au hasard ou... Non, c'est les personnes du groupe qui choisissent le rôle. Okay. Puis il y a des rôles... comme animation, c'est un rôle un petit peu plus, je dirais, difficile, parce que finalement, ils sont toujours à l'avant du groupe. C'est ça, exactement. Il faut avoir de l'expérience peut-être un peu plus. Oui, ça fait que dans les premiers mois, les gens les gens habituellement attendent un peu avant de prendre le rôle de l'animation. Mmh. Ils vont davantage prendre des rôles, il y a un rôle qui c'est juste 2 minutes, c'est vraiment pour ceux qui arrivent à Toastmasters. 2 minutes, et c'est un rôle de pensée. C'est simplement de nous livrer une pensée devant l'auditoire. Il faut que la personne se lève debout. C'est même pas... C'est de sa place. La personne n'a pas à aller à l'avant au lutrin. C'est vraiment pour, finalement, accueillir les nouveaux membres, accueillir les nouvelles personnes d'une façon plus douce, plus... C'est ça, moins brutal. Oui, c'est ça. Fait que okay. c'est les rôles sont adaptés, finalement. OK. La soirée dure combien de temps en tout? Tu disais que c'était 15 minutes environ pour l'impro, 15 minutes? C'est 2 heures. 2 heures en tout? Oui. La première heure, c'est un peu ce que je viens de parler, les rôles. Tour à tour, les gens vont prendre la parole. La deuxième heure, en fait, c'est le cœur des soirées. C'est une partie rétroactive. Là, c'est encore des rôles, mais c'est des gens qui jouent des rôles d'évaluation évaluatrice. OK. Fait que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit dans la première partie de la soirée, en fait... La personne va aller à l'avant et elle va donner une rétroaction. Comme par exemple, il y a une partie de la soirée, c'est des discours préparés de 5 à 7 minutes. Donc, l'évaluatrice qui va aller à l'avant va donner une rétroaction sur le discours qu'elle a entendu. OK, un discours préparé, ce qui veut dire un discours écrit, un discours que les participants, en fait, bâtissent et vont présenter. Oui. OK, ça c'est bien ça. Oui, dans la première heure, il y a environ 35 minutes pour la partie okay. des discours préparés, parce que à l'horaire, chaque jeudi, il y a 3 discours de planifiés. OK. Oui. Ça, c'est bien. C'est selon des objectifs. Chaque discours, nous avons des manuels, puis c'est sûr que les premiers discours, comme l'objectif, c'est structurer son discours, avoir une finalité particulière, générale. Okay. Tandis que dans les derniers discours, le 10e discours, par exemple, c'est « Inspirer votre auditoire ». Le 9e, c'est « Persuader ». Ça fait que de discours okay, en okay. discours, les objectifs sont un petit peu plus grands. Deviennent plus au niveau peut-être conférencier que... Oui, parce que là, il faut vraiment capter l'attention de l'auditoire. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est un cheminement. À chaque discours, les personnes apprennent des choses différentes, okay. apprennent à maîtriser des choses. Juste au départ, de maîtriser son trac. C'est que c'est... Excusez-moi. Ça me stresse, là. Attends, j'ai une grippe ces temps-ci. Là. Uh-huh. Des fois, je tousse. Oui, je m'excuse, premièrement. Mais est-ce que je me trompe? C'est ça, si je dis que c'est plus... Peut-être la gestion du stress. Est-ce que c'est un cours plus qui t'aide à gérer ton stress? Parce que on sait, en fait, tout le monde a fait des erreurs dans sa vie, que ce soit à l'école ou devant en fait un groupe nécessairement. Et c'est le stress qui fait que soit qu'on a de l'air idiot ou. Tu sais, parce que. Non, mais ben, pas absolument. Idiot. Mais. Ben, c'est que. Quand le stress, les émotions remontent, finalement, la partie cognitive est comme annihilée. Ça fait que finalement, on peut même plus se souvenir de son de qu'est-ce qu'on veut dire. C'est ça, exactement. Souvenir de qu'est-ce qu'on a dit la phrase d'avant. Ça fait que, mais ça, c'est la... Oui, c'est un des buts de ces soirées, d'apprendre à... Moi, je dis toujours, c'est apprivoiser, finalement, notre petit animal de compagnie qui s'appelle le trac. C'est vraiment ça, le premier but dans nos soirées, c'est d'apprivoiser cet animal de compagnie-là okay. qu'on a. Et aussi, parce qu'il y a des gens qui arrivent à nos soirées, ce sont déjà des enseignants, okay. Des gens... Des gens qui sont habitués. Là, oui, c'est des gens qui sont habitués. Ça fait qu'eux, ils viennent pour d'autres choses. Ils vont venir soit pour s'améliorer, parce que d'inspirer son auditoire et tout ça, il y a une panoplie de trucs. Puis aussi, ils vont venir aussi pour la deuxième partie rétroactive, parce que cette partie-là, c'est un peu plus des rôles de leadership, je dirais, parce que il faut, au travers de leur rétroaction, qu'ils arrivent à motiver la personne. Oui, c'est ça, exactement. Et non pas la démolir. Non pas la démolir. Non, c'est ça. Oui. Puis, il y a une façon de faire, il y a une façon qu'on apprend. Il faut absolument commencer dans notre évaluation par les forces qu'on a perçues. Puis c'est tellement génial parce que des fois, l'évaluateur va percevoir des forces chez un orateur ou une oratrice ou la personne qui a pris la parole que cette personne-là n'est même pas au courant. C'est ça, n'a jamais réalisé que ça pouvait être une force pour lui. Oui. Ça, c'est vraiment, c'est comme magique. Puis, est-ce que vous travaillez aussi au niveau du vocabulaire? Utiliser des termes peut-être plus précis, des termes qui... Oui. Oui, c'est ça, exactement. Oui, même dans la soirée, il y a un rôle de grand-mérien, grand-mérienne. Et cette personne-là, tout au long de la soirée, elle va écouter les gens attentivement pour... est-ce qu'il y a eu des mots qui ont été... que finalement, le sens n'était pas approprié. Ça fait qu'elle va donner la suggestion pour tel mot. Elle va regarder est-ce que les gens utilisaient beaucoup de « donc ». Ou c'est un fait, ou « en fait ». En fait. L'expression oui. Que François moi, je dis souvent ça. Vous dites « en fait ». Oui. C'est un fait. Oui, tout le temps. je sais pas pourquoi. Quand je raconte une histoire, je dis « en fait », mais je sais pas pourquoi. On a tous notre mot ou notre expression qu'on utilise. Oui, alors cette personne-là, c'est vraiment son rôle que de relever à l'auditoire finalement ces mots-là qu'on utilise trop souvent, les cafouillages qu'il y a, mais aussi elle a un rôle comme les évaluations, il faut qu'elle commence par les belles choses qu'elle a entendues dans la soirée, j'aime absolument. Ça. La critique constructive. Absolument, oui. On aime ça. Donc, juste pour ceux qui se joignent à nous, on est toujours avec Sonia Desmeules, qui est du club Toastmasters Trois-Rivières. Comment est-ce que vous appelez ça officiellement, le nom? En fait, c'est le club extra-expressif. Mm-hmm. Puis Toastmasters, ça vient parce que ce sont des clubs, il n'y en a pas juste un à Trois-Rivières. Okay. En fait, il y en a partout au monde. Il y en a 12 500. Wow. Puis c'est environ... C'est pas mal. Oui, 250 000 membres. Puis... c'est une des richesses de ces clubs parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les clubs. Comme nous, à Trois-Rivières, souvent, il y a des gens des clubs de Repentigny, de Saint-Hyacinthe, même de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, de Sherbrooke, qui sont venus nous voir, de Montréal aussi. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est des gens qui ont peut-être 10 ans, 15 ans, qui sont dans des clubs Toastmasters. Fait que quand ils viennent chez nous nous voir, ils prennent, mettons, un rôle d'évaluation générale de la soirée. Fait que nous, on apprend finalement en les écoutant. Encore une fois, critique constructive, ça aide toujours. Mm. Et puis, est-ce qu'il y a aussi un aspect au niveau du non-verbal? Oui. Ça rentre peut-être dans la gestion du stress? Non, je sais pas. Ben oui, non-verbal, absolument, parce que les discours sont préparés, mais tous les rôles que la personne doit se lever, doit regarder son auditoire, c'est tout du non-verbal. Puis, c'est vraiment très important parce que même les gens vont retenir davantage le discours si c'est pas vraiment les mots que la personne va dire, c'est vraiment le non-verbal, le ton de la voix, parce qu'avec le ton de la voix, c'est finalement les émotions qu'on transmet. Puis c'est comme ça qu'on va capter l'attention de son auditoire. C'est tout, ça fait partie du non-verbal. Ben ça, c'est un petit peu le verbal, mais toutes les mimiques du visage qui vont avec les émotions, finalement, c'est tout le non-verbal. Puis il y a même dans les discours avec les objectifs, je crois que c'est le cinquième discours que c'est finalement axé sur la gestuelle. OK. Oui. Les objectifs de ce discours-là, il faut vraiment que la personne choisisse un sujet qui lui permette d'utiliser la gestuelle, les mimiques. C'est vraiment complet. Tu parles du cinquième, du huitième, du quinzième discours. Est-ce que quelqu'un peut entrer à n'importe quel point dans ce club-là et puis ensuite se réacclimater à tout ce qui a été appris avant? Ou est-ce que c'est à l'intérieur d'une même soirée, tu as tout ce que tu as besoin? Ou est-ce que tu dois revenir à chaque semaine? Mettons que quelqu'un là décide ce jeudi de commencer. OK, ce jeudi de commencer. Là. Oui, OK, ce jeudi. Bon, le premier manuel en communication que nous donnons aux membres, finalement, c'est 10 discours. Puis c'est ça, le premier discours, finalement, c'est l'objectif, c'est simplement de... Ben simplement, c'est quand même un défi, c'est de se présenter à l'auditoire. Le dernier, le dixième, inspirez votre auditoire. Fait que la personne, si Mathieu, vous arrivez jeudi, premièrement, vous allez passer la soirée avec nous. Puis, à la fin de la soirée, nous allons vous demander votre appréciation de la soirée, parce que même pour les membres, c'est tellement agréable d'entendre les gens donner leur appréciation, parce que les gens sont emballés, puis nous, ça nous motive, c'est comme un bonheur. Puis, mettons, la deuxième fois, la troisième semaine, bien là, vous allez commencer vos discours. Puis, ce qu'on propose, c'est vraiment de commencer au premier, de se présenter. Parce qu'en se présentant, vous allez aller chercher finalement, je dirais, la sympathie de l'auditoire, parce que vous allez briser la glace, nous allons vous connaître davantage. Il y a cet aspect-là, mais aussi, c'est graduel, la progression des discours. Fait que même si vous êtes très à l'aise en communication, on suggère de commencer en se présentant. Puis, de toute façon, on va voir toutes vos forces. Puis, on va vous le dire lors de la rétroaction. On va vous le dire que, je sais pas, vous avez bien regardé l'auditoire, vous avez pas fait un balayage rapide, vous êtes attardé quelques secondes à chaque personne. On va tout de suite vous dire vos forces. Fait que c'est pour ça que c'est adapté à vous, finalement. Parce que la rétroaction est adaptée à vous. Parfait. Est-ce qu'il existe, en fait, des personnes qui sont, comment je pourrais dire, pas voués à l'échec, là, mais pour lesquels ça serait impossible peut-être d'améliorer cette facette-là? Ou qui n'a rien à faire. Qui n'a rien à faire, peine perdue. Oh, je suis tellement contente que vous me posiez cette question-là. Cette question-là parce que finalement, la philosophie de ces soirées, c'est vraiment la pratique. Tout le monde peut prendre la parole devant un auditoire et c'est vraiment la pratique. C'est ça, il n'y a pas de recette miracle, il faut vraiment se pratiquer. Il faut vraiment se pratiquer. Puis le concept de la soirée, je disais jouer un rôle, c'est finalement l'ambiance est amicale. Fait que si jamais en plein milieu de son discours, nous avons un blanc de mémoire, bien, vous allez recevoir quand même des applaudissements d'auditoire pour votre effort d'être allé à l'avant. Ah, okay. Absolument. Puis, l'évaluateur, c'est ce qui va donner une rétroaction. Il va vous donner des points positifs parce qu'il y en a toujours. Okay. Puis, il n'y a pas juste un évaluateur. À la fin de la soirée, tous les autres personnes vont vous donner leur appréciation. Okay. Donc, on pourrait terminer en rappelant c'est où et c'est quand. Oui, alors c'est chaque jeudi à la mezzanine du Loblas. OK. En plus, on est super, super bien reçus par Loblas, café inclus et... Oh, non, ouais! Quand ça? Non, c'est vraiment bien. Alors, c'est chaque jeudi à 6h30 jusqu'à... 18h30 jusqu'à 20h30. Parfait. Et c'est porte ouverte toujours. Les gens peuvent venir plusieurs fois avant de devenir membre si... S'ils veulent un petit peu s'acclimater aux soirées, c'est absolument convivial. Pour être membre, ça coûte combien? J'imagine qu'il y a des frais. Oui, c'est des frais parce que nous devons payer le local au Loblas, même si nous avons un prix pour un organisme à but non lucratif. Je pensais que c'était gratuit, ce local-là. C'est 25 $ par soirée. Mais c'est pas cher parce que... C'est beau, c'est ça. C'est aménagé pour ça. Oh oui, absolument. Puis, le tarif pour 6 mois, c'est 105 $ Okay. Et c'est vraiment pour couvrir les frais de location. Il y a un petit peu de frais de publicité, c'est absolument. Puis aussi, nous, à Toastmasters International, chaque membre donne sur le 105, il y a un 32 $ qui retourne à Toastmasters International. Okay. C'est comme une redevance, puis, mais c'est tout. Toute cette organisation-là est à but non lucratif, absolument. OK. Voilà, merci beaucoup. C'est bien. Donc, Sylvia Desmeules. Le jeudi de 18h30 à 20h30 au niveau du Loblas, ici sur des Forges à Trois-Rivières. Si des fois les gens veulent vous rejoindre, il y a toujours le numéro de téléphone 819-378-8343-8343. Donc, et puis il y a l'adresse internet aussi, extraexpressif@commerciallive.com. Merci. Merci c'est nous qui vous remercie. Merci à vous deux. Et puis, merci. Si c'est ça, en fait, les gens pour qui la communication c'est important, ils veulent travailler là-dessus aussi. Donc, je pense que c'est ça. Et le plaisir de votre groupe, je pense que personne ne juge personne. C'est dans le sens que s'il y en a un qui est moins bon, c'est pas grave. T'sais. Mais non, il va être applaudi. C'est ça, voilà. Exactement. Et c'est le fun de recevoir des applaudissements. Nous, on aimerait bien ça, des fois. On n'a pas de public en studio, c'est malheureux. Et peut-être non, un jour. Peut-être un jour, oui, avec des estrades. Et puis, si on allait enregistrer l'émission au Loblaz. Oh, oui, vous allez être applaudi chaleureusement. À côté des bananes et des oranges. Animé par deux bananes, d'ailleurs. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On s'écoute un petit peu de Crystal Castles et on vient avec la chronique. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. C'est le retour, j'apprends des choses à François à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. 89.1 FM. C'est fou. Dans vos oreilles. Écoutez, Assemblage Requis sur C'est fou. Oui, toujours Assemblage Requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. .com. Ben, pas du tout, en fait. Je pense que c'est un photographe quelconque, MathieuPlante.com. Ah ouais, pour vrai? Ok, t'as déjà assez. Ben, il y a plein de. Juste à Trois-Rivières, il y a plein de Mathieu Plante. Ah, je sais pas. Écoute, je tape ça. On pullule de partout. Et hey, bienvenue sur le nouvel espace d'hébergement, MathieuPlante.com. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi intéressant. Rien du tout. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est plate. Il me semble que t'aurais aimé ça. Ouais. OK. Donc, moment inconfortable terminé, parenthèse. Ben, c'était pas vraiment inconfortable, mais c'est terminé, effectivement. Moi, je trouvais pas ça confortable. Non, allons. Parle-nous-en. Okay. Non, à la place, je vais vous parler de faits. De faits véritables, vérifiables et véridiques. C'est ça, dans la chronique, c'est un fait. Je t'écoute, Mathieu. Ben, Colin, on voit que les slogans te rentrent dans la tête assez rapidement. Malade. Pour vrai, je suis un homme à slogan. Ah oui? Ouais. OK, mais c'est quoi ton slogan à toi? Marchand de rêve, on le sait. Non. Oublie pas, c'est plate, oublie. Hein, c'est drôle. Oublie pas, c'est plate, oublié. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est plate, oublié. Tout à fait. Donc, commençons nos faits. Ben, en fait, on va commencer avec un fait par rapport aux faits. Mm. Oui, c'est vrai. Il existe la phobie des faits. La phobie des faits. Ça s'appelle la phoba trivaphobia. C'est la peur des faits divers qui parlent de phobie. C'est pratiquement une maladie mentale, ça. Pratiquement. Sais-tu que la boule bowling, la boule de quilles, a été inventée en 1862? 1862. Ah, ça fait longtemps. Ben oui. Tu connais Harlequin, les livres pour jeunes filles? Ouais. C'est ça. Donc, la compagnie Harlequin imprime une lignée là, incroyable de romans comme ça, exclusivement dans le monde de NASCAR. Une ligne complète d'Harlequin qui se passe, qui sont dans le monde de NASCAR. Courses d'auto, là, il finit sa course, il finit, il est en sueur, il va l'avoir, un petit baiser sur la joue. Exactement. Wow! C'est le fun, hein? formidable. Cheveux dans le vent. Harlequin, j'ai jamais été capable de lire ça et je pense que j'en lirai jamais de ma vie. Ben c'est ça, je pense pas que pour toi tant que ça. Je me porte bien aussi. Pas tant que ça. Savais-tu que les créateurs de Gilligan's Island, les joyeux naufragés ou l'île de Gilligan ou peu importe comment vous voulez appeler ça, ont nommé le SS Minot, tu sais, le bateau SS Minot? Oui. Okay. D'après le chairman de la FCC, Newton Norman Minot, Federal Communications Commission, la FCC. All the kit. C'est comme ben, pas vraiment l'équivalent de du CRTC, mais en tout cas, mettons qu'on pourrait se l'imaginer comme ça. Donc, même si ça a l'air très gentil d'être un compliment, en fait, ça n'en est pas un du tout, parce que Minot, il est célèbre pour avoir dit que la télévision est un vaste genre de champ de marde, là, si on veut. C'est un peu ça. Dit comme ça, ça a l'air... pas très propre. Non, pas très propre et pas très... très radiophonique, mettons. T'sais. Exact. C'est ça. Ah. C'est pas très bon de la télé. Son point de vue. Voilà. Prochain fait, ouais, c'est son point de vue, puis il y a des bonnes affaires malgré tout à la télé. Quoi qu'on en dise. Ben oui. C'est pas à toutes les postes, mais quand même. Un des moments les plus, disons, les plus bas dans l'histoire des sports, c'était les membres de l'équipe paralympique espagnole de 2000, l'équipe de basketball. Hey, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hey, je sais. Tu sais ça? Hein? Je sais. C'est incroyable. Dis-le oui, donc. Hein? Oui, oui, oui. Ben, écoute, je suis pas certain exactement, mais je pense qu'ils ont pris comme des joueurs normaux et puis ils ont fait passer pour des déficients intellectuels. Là. Et voilà. Et voilà. Ouais, juste pour gagner. Hey, wow, ils ont fort, gagné hein, l'or avec ça. Ouais, c'est vraiment fort. 10 des 12 joueurs ont été testés et n'avaient pas d'handicap. En fait, ils n'étaient pas du tout mentalement, comment dire. Non. C'est où ça? C'était aux États-Unis. Hein? C'était en Espagne. En Espagne? En Espagne. OK. Parce que j'ai entendu aussi parler de l'histoire que, en fait, des personnes plus âgées se faisaient passer pour des joueurs plus jeunes pour pouvoir mieux performer, en tout cas. Ouais. L'histoire. Le contraire, j'imagine, non? Ben, non, non. Personne plus jeune qui se faisait... Non, non, non. Ah, non, ah. Non, exemple, OK, limite d'âge, mettons, pour, mettons, catégorie, je sais pas quoi, là, mettons, junior... Au niveau des États-Unis, NCAA, mettons. Et puis, le gars a quand même 22 ans, mais il se fait passer pour un gars de 16-17 ans pour pouvoir jouer. Calé, comme dans Ramdam, toi. Ah, ben, je sais pas, j'écoute pas ça. Pareil. La couleur officielle du Golden Gate Bridge, c'est quoi, tu dis? Si je te demande orange? Ça. Orange? Ouais. OK, je pensais dire rouge. Mais c'est International Orange, donc un orange international, c'est le nom de la couleur. Tu m'apprends rien. Mais je sais pas. Ça, je vais peut-être te l'apprendre. Lors de son premier week-end, sa première fin de semaine au box-office, en 1977, le film original de Star Wars a seulement fait 1,5 million. Ouais, je savais ça. Bon. Non, celui-là, je le savais pas. C'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ben, c'est pas beaucoup, mais dans le temps aussi, c'est quand même... C'était quand même pas mal. Là. Je pense 1966, tu dis? C'était en 1977. 1977, ben... C'est pas beaucoup. Ben, Non, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas super quand même. Uh-huh. Celle-ci que les autobus pour enfants, c'est les autobus scolaires jaunes, sont probablement un des véhicules les plus sécuritaires du monde. On dit que les enfants ont 80 fois plus de chances d'être tués en marchant jusqu'à l'autobus que dans l'autobus. Ah ouais? C'est quand même pas pire. Pourtant, il n'y a pas de ceinture. Non, c'est ça. Ben, c'est justement la controverse. Tout le monde dit qu'il devrait y avoir des ceintures. Apparemment que c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Non, non, non. Fais un accident, puis il faut que tu détaches tous les enfants. Oublie ça. Ouais, j'avoue. Continuons avec un autre fait dans la chronique, c'est un fait toujours. Tu te rappelles du Hindenburg? Tu sais, l'affaire qui explosait, c'était comme un genre de véhicule, comment t'appelles ça? Je sais pas si c'était de l'air qu'il y avait là-dedans, c'était quoi qu'il y avait là-dedans? En tout cas, c'était le ballon dirigeable. Exactement, ballon dirigeable. Oui, c'est du gaz en fait qu'il y a là-dedans. D'accord. Donc, malgré les images qu'on voit, l'explosion, on les a vues à maintes et maintes reprises, que ce soit dans des films ou à la télé. Donc, le LZ-129 Hindenburg, il y a presque deux tiers des gens qui ont survécu à cette explosion-là en 1937. Okay. Je savais pas ça. Non, je savais pas. Je pensais qu'il était tout le monde. Ben, moi aussi. Mmh. Et voilà. Et pour terminer, mon fait préféré, seulement les pharaons avaient le droit de manger des champignons dans l'Égypte ancienne. Juste les pharaons. Juste les pharaons. Ah, juste eux autres. Pourtant, des champignons, ça. C'est bon. C'est bon, mais c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient les garder pour eux autres. Ah. C'était peut-être trop bon. Peut-être. Donc, d'autres faits demain. Demain qui va être la dernière de cette semaine pour Assemblage Requis. Tu dis beaucoup ça, comme si c'était don ben sous l'agent. Ben non, mais c'est un peu une joie pour moi dans le sens où le vendredi, je peux me lever un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Et donc, le jeudi, je peux me coucher un peu plus tard aussi par le fait même. Et par le fait même le samedi, puis là, tu pourrais continuer sur le dimanche, puis on pourrait raconter toute ta semaine. Ben, le dimanche, vois-tu, je me couche pas très tard parce que le lundi, Assemblage Requis. C'est bien ça. Non, je vais arrêter de vous écœurer avec ça. Hey, Mathieu, temps d'un tirage. Ah, Hold El Paso. Fiesta Sensei. Fiesta hein? Sensei, oui. Sensei. Il faut le dire. Ouais. Faut avoir l'accent. Ça a l'air aussi asiatique que dans la pub. Oui, ok, la pub ici, assez fou. Ouais. Okay, je pensais que tu parlais un pub au niveau télévisuel que je n'avais pas vu. En fait, ce qu'on fait maintenant, là, présentement, je vais vous dire aussi le numéro de téléphone un peu plus tard. On fait gagner un sac cadeau Old Del Paso, comprenant les nouveaux ensembles à tacos souples et rigides, Fiesta Sensei, qui sont faits de grains entiers, constituent une source élevée de fibres à chaque portion. À chaque bouchée, même. Ouais, c'est ça, exactement. Ce n'est pas n'importe quoi. Essayez les tacos Old Del Paso Fiesta Sensei dès ce soir pour créer un repas amusant. Moi, c'est ça que je vais les essayer, pour vrai. Excusez-moi, t'en vas. Et Eclipse, dont toute la famille raffolera. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.fiestasensee.ca. Donc, voilà. Et vous nous appelez en studio. On prend le premier et le deuxième appel. C'est au 819-376-5183. 819-376-5183. Aussitôt que la pièce a recommencé à jouer, appelez-nous. C'est on ça. Va vous répondre. Exactement. Pour gagner du Old Del Paso. Il y a même des coupons pour la petite sœur, ça, je pense. C'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça, en fait. Exactement. Juste pour la sauce, ça vaut la peine. Oui. Aussi. Mais est-ce que l'ensemble cadeau comprend? Est-ce que tu veux savoir, maintenant? Je veux savoir tout ce qu'il y a dedans. Je veux même savoir la couleur du sac. Couleur de sac, je sais pas. Non, ok. Ensemble à tacos rigide, ok. Ensemble à tacos souple, Fiesta Sensei les deux, inquiétez-vous pas. Tortillas de grains entiers, la même chose. Assaisonnement pour fajitas à teneur réduite en sodium, Fiesta Sensei. Et 6 coupons dans l'endroit à des produits Old Del Paso gratuitement. Donc c'est ça génial. Peut être de la sauce, ça peut être d'autres tacos, ça peut être tout ce qu'il y a Old Del Paso dans les épiceries. Donc, et puis, il n'y a pas d'épicerie en particulier. Donc, c'est formidable. C'est formidable et fantastique. Et appelez tout de suite au 819-376-5183. 5183. Pendant ce temps-là, nous, on écoute Chosen Generation de Final Flash. OK. OK? OK. Premier et deuxième appel. Ah, ça commence déjà. Allons-y. Oui. Est-ce que vous avez remarqué là, c'est la machine de C'est fou qui a explosé? Puis qu'il y avait absolument qu'on joue deux pièces de Final Flash, toi. C'est arrivé vite de même. Oh! Pa-pa-pa-pa-pow! Postillonner un petit peu. Je la comprends un peu. Oui. C'est bon, Final Flash. Ouais. Donc, Final Flash, on va aller entendre une pièce que nous, on adore. Je pense qu'on l'a fait jouer, je dirais, à tous les jours environ. Non, ben quasiment aux deux jours. Ouais, j'ai remarqué une petite constance là, à ce niveau-là. Là. Si on est conséquent dans nos actions. On est conséquent avec ça, on aime ça. Donc, on écoute Final Flash et Welcome to the House on Fire. Belle son, fait du bruit. Ouais. Félicitations, on a eu un gagnant. Oui, Jean-Gérard Hot, bravo pour le Hold del Paso. Sonne, c'est fière, ça. We'll be right back. Final Flash. Final Flash, très très bonne pièce. Welcome to the House of Fire. Quand t'es dit Final Flash, c'est chic au bout. C'est super chic. Hey, Final Flash qui font une pas pire tournée d'Arouette, qui joue ce soir en Alberta au niveau de Slave Lake. Et puis demain au niveau de Canmore en Alberta. Après ça, ils reviennent au Québec, t'as-tu vu? Mais pas tout de suite, tout de suite. En octobre, ils font Colombie-Britannique. Après ça... Australie. Ouais, c'est ça, Australie. Mm-hmm. Enfer, hein? Ouais, donc c'est en novembre qu'on va les retrouver au Québec. Ils vont être à Montréal le 6 novembre avec Melissa Afdemauer. Il y a aussi un spectacle à Laval avec Plants and Animals. J'ai été avec Yann Perrault. Il est en tournée avec Yann Perrault, en fait, à Gatineau. Montréal, Drummondville. Là, je vais répéter les villes plein de fois. Gatineau, je le vois pas, par exemple. Tu vois pas Gatineau? Non. Il est le 25 novembre. À 20h, à la salle Jean Desprez. Ah, j'avais le 27 et j'avais le 7, mais pas le... Ben, Colin, on est pas sur le même site, on dirait. Hein? Non. Mais t'irais voir, bon, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à date, t'arrêtes pas de parler en bien de Final Flash comme si c'était la meilleure invention depuis le pain en tranche. Le pain en tranche, oh non, pas la meilleure invention depuis le pain en tranche. Non, mais très bon groupe. Je t'avoue, j'ai été surpris. J'étais surpris, ça m'a attaqué par derrière. C'est québécois, c'est très très bon. C'est Final Flash avec leur album Homeless. On a entendu deux pièces dans le bloc et il était deux fois. Donc Welcome to the House on Fire et Chosen Generation. Je pourrais les comparer, si on veut, là, à Winter Gloves. Ah oui, m'a surpris vrai. Aussi. Très bonne pièce, bon groupe qui vient du coin. Parlant de Winter Gloves... Ben, on en jouera. Ben, c'est ça qu'on va faire. Sors-moi ça, parce qu'avant de jouer ça, j'ai envie de te faire une chronique que je crois que j'ai pas encore fait avec toi particulièrement. C'est parce que je me garde un petit... C'est quoi? On va la mettre à l'intérieur de CNX, par contre. D'habitude, c'était pas dans CNX, là, parce que la marge entre ça et CNX, vous allez voir. Pam, pam, pam, pam. Ça existe, mais ça devrait pas là. Ça rentrait à peine, hein? Non, c'est bien, ça en est bien sorti. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. OK. Qui est d'habitude une chronique que je fais une fois par comme 6 mois. Okay. Quand ça me tente, mais c'est vraiment super le fun, tu vas voir. C'est des choses qui viennent régler les problèmes que tu savais pas que tu avais. Des fois, tu dis, Québec, Caroline, c'est vrai, j'avais ce problème-là. Par exemple, t'arrives, tu te fais une pizza dans le four, mettons, puis là, ben, crime, t'as pas de gants, François? J'ai pas le gant. Tes gants, il y en a pas. Bon, fait que tu veux sortir ta pizza, puis tu veux prendre la grille. Des petits trucs, là, en genre de silicone, là, mais qui s'installent sur ta grille, mais qui restent là en tout temps. Ça va jusqu'à 450 degrés Fahrenheit. Ça se vend pour à peu près 10$ chaque sur Amazon. T'installes ça sur la grille de ton four, c'est en silicone, comme les affaires de Starfleet. Ouais. Puis là, ben, tu peux prendre ta grille, puis tirer. Mais il est tout le temps dans le four, là. T'as pas besoin de les sortir d'un tiroir, là. Tout le temps, là. Ouais, ouais. Pas payé quand même, non? J'avoue que j'avais jamais pensé que j'avais ce problème, là. Ben, tu l'as. Je l'ai. Un autre problème que t'as, c'est ta table. C'est dur de passer le balai ou l'aspirateur en dessous, François. Parce qu'il y a des chaises, ça finit plus. Ouais. Tu sais, t'as quoi? T'as 6 chaises autour d'une table? Ouais. 4 ou 8. Ici, c'est une table, un genre de. Ça ressemble quasiment à comme quelque chose que tu trouverais dans un parc pour enfants. C'est une table montée sur des tuyaux. Et les chaises sont pendues avec des cordes, bon, en tout cas, quelque chose, hein, à partir de ce frame-là. Même ta lampe est pendue après cette grosse forme-là. Donc, t'as rien en dessous. Fait que tu peux passer l'aspirateur à bonne échéance, n'importe quel moment. À bonne échéance. Je sais pas ce que ça veut dire. À bon escient. À bon escient. En dessous de ta table, sans te forcer du tout, parce que les chaises touchent pas à terre, sont pendues après la base. Sont pendus après la base, mais tout. La base... La base, elle a des pattes, mais c'est des petites pattes. Le reste, a pas de pattes du tout. Ça coûte 4680$ de chez Duffy London. Là, t'as un autre problème, par exemple, avec ça. Un léger problème. Ouais. Au pire, engagez-vous une bonne pour faire le ménage, hein, à ce prix-là. Bon. Un autre problème que t'as, mon François-Olivier Marchand, marchand de rêve, c'est ton cellulaire. Des fois, une fois de temps en temps, tu l'échappes dans ta toilette ou dans l'eau, dans un étang. Non? Ah oui. Ça arrive? J'imagine. Donc, diverses études le démontrent. Les échos au cellulaire ne peuvent pas se passer de leur téléphone, même lorsqu'ils sont aux toilettes, dit l'article. Que faire? Mais... Oh non, vas-y. Ben non, vas-y. Moi, je sors mon toilette, mais quand je... je sors mon téléphone, mais quand je suis assis. Ah, une fois assis, ben... Ça m'évite les risques de l'échapper dedans. Mais quand tu lèves, des fois, il est dans ta poche, quelque chose. Non, tu sais? OK, bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de le sécher après, OK? Donc, au Japon, il existe maintenant une solution. C'est le Dryer Box, qui est un séchoir conçu spécialement pour assécher un appareil électronique tout mouillé avant que ses circuits ne grillent. Il suffit de se précipiter dans une boutique dotée du séchoir. Il y a plusieurs boutiques de Tokyo qui en ont déjà. De retirer la batterie de son téléphone et d'enfermer celui-ci dans le Dryer Box pendant 30 minutes. Là, tu vas faire ce que tu veux. Le prix, c'est de 1000 yens, soit environ 12$ canadiens. Et on vous fait payer que si votre téléphone survit et réussit à s'allumer après. Bonne idée, ça. Oh. Donc, c'est le Dryer Box, un jour au Québec. Ouais, il y aura de l'argent à faire. Je pense que oui, moi. Hein? S'ils peuvent faire de l'argent avec les vidéos self puis les autres patentes de « je vais louer mon vidéo dans un guichet automatique », tu sais, ils peuvent faire marcher ça. Donc. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Oui. Hey Mathieu, toi qui parlais beaucoup de Netflix, les autres médias aussi en parlent beaucoup. Oui. Donc, c'est intéressant. Donc, tu me dis que ma nouvelle n'était pas super originale. Non, non, mais t'étais le premier. OK. T'étais le premier, c'est ce que je voulais te dire. Ah, ben, t'es fin. Un autre problème que t'as à la maison, toujours dans la chronique, ça existe, mais ça devrait pas nécessairement, on l'a. J'ai racheté le nécessairement, comme t'as vu. C'est... Oh, ouais. Donc, tes divans, t'as de la misère à les placer. T'as un grand, grand salon. Là, tu te dis, ben, Colin, ce serait dans le fun si tu peux les placer dans cette forme-là, faire un L, faire un T avec. Ben, qu'est-ce qu'il te faut? C'est le Tetris Couch. Oh yeah. Tetris, qui est une façon, évidemment Tetris, une façon de placer des formes différentes ensemble. Donc, c'est des divans fabriqués, par exemple, en ligne, par exemple, en L, par exemple, en cube de 4 blocs, par exemple, en S. Et là, tu peux insérer tes divans de la façon que tu veux. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va être produit. Pour l'instant, ce n'est qu'un concept, mais j'adore l'idée. C'est le Tetris Couch. Allez voir les photos sur le site assemblagerequis.com. Il y en a plein. On va devoir se dépêcher rapidement. Qu'est-ce que je veux vous dire aussi? Ah oui, ah tiens, des fois quand tu fais des pâtes, tu fais bouillir de l'eau, et là, soudainement, bon, tu l'oublies, puis là, l'eau, elle bouille, puis à un moment donné, t'as plus d'eau. C'est arrivé, c'est un de mes amis qui jouait à Call of Duty. Ça m'est arrivé moi aussi, je dormais. Yes. La boil buoy, ok, c'est comme une bouillie de bouillage. Une bouillie de bouillie. Ouais, genre. Ben, une bouilloire. Une bouilloire. Mais c'est basé sur le même concept. Donc, tu mets ça dans ton eau et là, ça va faire un sifflet pareil comme une bouilloire quand ton eau va être bouillie. C'est pas génial, ça? Oui! En tout cas, c'est super le fun. Ça coûte environ 10$. Ça reste. En plus, il y a un poids en dessous qui fait que ça reste droit. Et OK, j'en choisis un dernier parce que là, on manque de temps. Ah oui, ça, c'est mon préféré de la semaine, je pense. C'est des écouteurs avec, tu sais, le fil dans le milieu, il est tout le temps pogné dans tes boutons de chemise ou pogné dans ton zip de manteau, tu sais, quand tu portes des petits écouteurs. Hein. Ouais. Mais celui-là, c'est des écouteurs avec un vrai zip qui tient vraiment tes fils à la hauteur que tu veux, comme un zip. Le genre de zipper de... Non. Bon. Pas vraiment, ça. Mettez-le dans votre T-shirt. Faites-le passer dans le T-shirt. Ah, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. C'est pas pire, ça. Ouais. C'est à peu près ça pour... Ça coûte moins cher. Ouais. Ça existe, mais ça devrait pas nécessairement... Ou on devrait pas nécessairement en parler. Ou on devrait pas nécessairement les acheter. C'est ça. Mais bon. Mais on l'a. C'est beaucoup des problèmes de personnes qui sont assez à l'aise financièrement. Ouais, c'est ça. C'est des affaires de dépenses de l'argent par les... Tetris Couch. Tetris Couch, come on! Ouais, mais putain, okay. méchant salon. Ouais. On se quitte, on se retrouve demain matin à 7h avec la présence de Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. Il y a aussi... François Landry avec Logocratie 101. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi demain? Plein de choses. Demain, nouvelles. C'est la dernière de la semaine. Restez à l'écoute, le dîner de con s'en vient tantôt à partir de 11h. Et puis moi, je vous dis d'écouter ça parce que c'est bon. C'est bon. Il y a aussi des rediffusions cet après-midi, Le Voyage insolite, La Spirale et Une pêche en mission. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. François-Olivier, bonne journée à toi. Merci, bonne journée à vous aussi, Mathieu Plante. Et au requin. Bye. Au requin.